À l'occasion du mois de lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, il y a eu devant l'ambassade américaine en Grande-Bretagne une manifestation contre les crimes inhumains et la politique d'hostilité plus ouverte vis-à-vis de la Corée des États-Unis, ennemi juré du peuple coréen. Y ont participé les personnalités de l'Association d'études de la politique de Sungun, du Cercle d'études des idées du Juche, de l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée, du Comité de solidarité pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne et du Nouveau Parti communiste et autres habitants de Grande-Bretagne.